Section 73 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États. 1270 à 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 16, 5e partie, Mohammed II, chute de l'hellénisme, par Alfred Rambaud. Caractère de Mohammed II. Mohammed n'apprit la mort de son père que 3 jours après. Il était à Magnésie quand il reçut le courrier du grand vizir Khalil. « Qui même me suive ? » s'écria-t-il, sautant à cheval. 2 jours après, il était à Gallipoli. Quoiqu'il n'eût que 21 ans, on conçoit qu'il fut pressé de régner. 2 fois le retour de son père l'avait fait descendre du trône. Il ne le pardonnait jamais à Khalil. À certains égards, nul fils ne ressemble moins à son père. Mohammed II se distingua comme Bayezid Ier par l'infamie de ses mœurs. Il était menteur, sans foi, violent à plaisir les traités et capitulations, vraiment cruel, se plaisant aux supplices raffinés, comme de faire scier vif le patient entre 2 planches. Il se retrouvait un vrai prince turc par sa bravoure dans les combats, son activité infatigable, ses ambitions démesurées, la subtilité de sa diplomatie, sa libéralité envers les soldats. Je cite, « Il avait choisi surtout comme ses modèles Alexandre de Macédoine et Jules César. » Fin de citation de Sagundino. Il était fort instruit, parlait le turc, le grec, le slavon, l'arabe, le persan. Il était versé dans la géographie, l'histoire, toutes les sciences militaires de l'époque. Il se montra magnifique dans ses constructions de mosquées et d'autres édifices pieux. Il chercha des artistes grecs et italiens, permit au peintre vénitien Gentile Bellini de reproduire ses traits. Dès son avènement, il accomplit tout d'abord 2 devoirs également sacrés à ses yeux. Il chargea le pacha Ishak de conduire à brousse le corps de son père. Il fit étrangler son frère unique, Ahmed, un enfant à la mamelle, fils d'une princesse de Kastamonie. Il renvoya en Serbie son autre belle-mère, la princesse Mara, fille de Brankovic. Préparatif du siège de Constantinople. Il renouvela les traités ou trêves avec tous ses voisins et vassaux, les républiques de Ragusa, Venise, Gênes, les Génois de Galata, Chios, Lesbos, les princes de Serbie et Valachie, Jean Hunyade, Skanderbeg, les chevaliers de Rhodes, les despotes Démétrios et Thomas de Morée, même avec l'empereur grec Dragasès. Au fond, Mohammed II n'en voulait qu'à Constantinople. C'est pourquoi il voulait être en paix avec le reste du monde. L'Empire grec ne comprenait plus, comme possession directe outre sa capitale, que Selambria et Perinthe sur la Propontide, Mésembria et Anchiale sur la mer Noire. L'Empire était donc un des plus petits parmi les États de la péninsule. Mais il détenait ce joyau merveilleux qu'Osman, en rêve, avait mis à son doigt. Sa capitale était la seule que put avoir l'Empire turc s'il voulait se fixer en Europe. Et Mohammed II ne cessait de répéter cette parole attribuée au prophète. Je cite, « Ils prendront Constantinople, le meilleur prince est celui qui fera cette conquête, et la meilleure armée sera la sienne. » Fin de citation. Constantinople restait la plus belle ville de la chrétienté, quoiqu'elle fût tombée de 500 000 habitants environ à 180 milles. En outre, elle était une forteresse de premier ordre. Elle avait résisté à tant de sièges, et tout récemment aux Turcs. Elle n'avait encore succombé que devant les croisés de 1204. Cependant, le moment était venu où les Osmanlis, à force de se perfectionner dans tous les arts de la guerre, allaient se trouver à la hauteur de la tâche. Bayezid Ier, pour commander le Bosphore, avait déjà fait construire sur le rivage anatolien le château d'Asie. Mohammed en construisit un autre sur la côte européenne. Il l'appela Boghazkesen, coupe-gorge. C'est le château d'Europe. Les communications de Constantinople avec l'Occident étaient maintenant à la merci des Turcs. Dragacès envoyait les ambassadeurs pour protester. Mohammed leur rappela toutes les coalitions que les empereurs grecs avaient suscitées contre ses ancêtres, déclara qu'il était maître chez lui sur les deux rives du Bosphore et ajouta « Je vous permets de vous retirer, mais quiconque m'apportera de semblables messages sera écorché vif. » L'empereur ayant fermé les portes de sa capitale et retenu les Turcs qui se trouvaient dans la ville, Mohammed déclara la guerre et enleva les dernières villes grecques. Pour empêcher les despotes de Péloponnèse, Démétrios et Thomas d'envoyer des secours à leurs frères, il envoya le Bekliarpeg Turakan ravager la Morée. Un Hongrois nommé Orban, fondeur de canons au service de l'empereur grec, n'étant point payé, passa au sultan. Il s'engagea à lui fondre des canons colossaux qui écraseraient les murs de Constantinople. Le plus énorme fut fondu à Andrinople. Il fallait de 60 à 100 bœufs pour le traîner. Il pesait 700 tonnes. Et portait à 1000 mètres des boulets de 1200 livres. Pendant ces préparatifs, Mohammed était obsédé jusqu'à l'insomnie d'une pensée unique. Son grand vizir Khalil fut une nuit appelé brusquement chez le sultan. Croyant sa dernière heure venue, il arriva les mains chargées de présents. « Je n'ai pas besoin de présents, » lui dit Mohammed. « Ce que je demande de toi, c'est que tu m'aides de tout ton pouvoir à prendre Constantinople. » Sans relâche, il dessinait les plans de la ville, des lignes d'attaque, visitait les campements turcs, désignait l'emplacement des batteries. En février 1453, le gros canon s'achemina lentement d'Andrinople sur Byzance. Préparatif des Grecs. Dragacé tentant un dernier effort pour secouer l'apathie de l'Europe, les Nauticones, union des deux églises, fut de nouveau proclamé un légat du pape Nicolas V. Le cardinal Isidore, ancien métropolite de Kiev, Russie, célébra l'office uniat à Sainte-Sophie en présence du clergé de cour. Tout le reste du clergé persista dans son hostilité. Georges Scholarios, le futur patriarche, relégué dans le monastère du Pantocrator, fit afficher une pancarte où il flétrissait les Nauticones. Le grand admiral, Lucas Notaras, déclarait qu'il aimait mieux voir dans Sainte-Sophie le turban de Mohammed que le chapeau d'un légat. Le clergé et le peuple étaient déchirés de furieuses discordes religieuses. Comme chez nous, au temps de la bulle Unigenitus, les deux parties luttaient à coups de refus des sacrements. La masse de la population exaspérée contre les Latins et contre l'empereur acheva de se désintéresser de la défense. D'autre part, la réconciliation avec Rome n'amena presque nul secours, tout au plus les 50 hommes du légat Isidore. Uniade avait promis son appui à la condition qu'on lui donnerait Mésembria, le roi d'Aragon à la condition qu'on lui donnerait Lemnos. On avait cédé Mésembria et Lemnos, mais on n'avait rien vu venir. Les Serbes envoyaient leur contingent à l'armée de Mohammed. siège et prise de Constantinople. Dès avril 1453, le sultan cernait la ville du côté de la terre avec 265 000 hommes, 1100 fantassins, formant l'aile gauche, campait devant les blachernes, 50 000 à l'aile droite, devant la porte d'or, au centre, devant la porte Saint-Romain. Mohammed commandait ses réserves, 15 000 janissaires et 100 000 cavaliers. Sagan Pacha occupait les hauteurs de Galata pour surveiller les Génois. Une flotte turque de 420 voiles bloquait la ville du côté du Bosphore et de la Propontide. Les forces de Dragasès comprenaient en tout 8 ou 9 000 hommes. Le protovestiaire française avait réussi à enrôler, c'est lui qui donne ce chiffre, 4 973 Grecs. Or, Constantinople avait de 30 000 à 35 000 habitants en état de porter des armes. Giovanni Giustiniani avait amené environ 400 Génois. Ajoutons-y 1 600 autres étrangers de toutes nations, y compris les Vénitiens sous Travisano et le Bel Minotto. Les autres capitaines étrangers étaient les Génois Bocciardi, Cataneo et Langusco, le Vénitien Catarino, Don Francesco de Tolède, Pedro Giuliani, consul d'Aragon, Jean de Dalmate, l'artilleur allemand Grant. La flotte de défense comprenait 6 navires étrangers et environ 23 navires grecs, grands ou petits. L'originalité de ce siège est qu'on y mit en œuvre, de part et d'autre, les moyens antiques d'attaque et de défense, catapultes, balistes, hélépoles, flèches, feux grégeois, et des moyens modernes, l'art du canonnier et du mineur. L'artillerie byzantine était inférieure en nombre et en calibre à celle des Ottomans. Elle paraît avoir été mieux servie. Le colossal canon d'Andrinople ne tarda pas à éclater, tuant son ingénieur, Orban. La marine turque était encore médiocre. Une galère grecque et 3 italiennes étaient arrivées de la Propontide. L'amiral turc Balta Oklou mena contre elle 150 bâtiments. Sous les yeux du sultan, il fut battu. Le grand vizir Khalil, secrètement favorable aux Grecs, profita de cet échec pour conseiller au sultan d'écouter les propositions de Dragasès. Mohammed ne voulait rien entendre. Comme ses navires ne pouvaient pénétrer dans la Corne d'Or, dont l'entrée était fermée par une chaîne de fer, il résolut de les faire arriver par la voie de terre. Sur les planches graissées, il parvint durant la nuit à faire glisser du port de Kampatas sur le Bosphore à celui de Kasim Pacha, au fond de la Corne d'Or, par derrière Galata, sur un isthme large de 2 lieues, 70 navires ottomans, toutes voiles déployées. Au matin, il s'embossait en face du quai des Blachernes. De part et d'autre, l'exaltation religieuse était à son comble, mais chez les Turcs, elle portait à l'action, chez les Grecs, au découragement. Au début du siège, le cheikh Akhems ed-Din, successeur en sainteté du grand cheikh Bokhari, avait vu en songe Ayoub, le porte-étendard du prophète, tué dans l'assaut que les Arabes donnèrent en 672 à Constantinople. Le saint martyr indiqua au cheikh le lieu de sa sépulture, sous les murs même de la ville. On fouilla, on trouva ses os, et la découverte suscita un grand enthousiasme dans l'armée turque. Des ulémas, des cheikhs, des derviches suivaient les colonnes, et à leur tête, affirme Saad el-Din, marchaient des légions d'esprits purs, des légions venues d'un monde invisible. Chez les Grecs, on se repaissait de prophéties, quelques-unes, de l'aveu de Georges Scholarios, inventé par lui-même pour décourager la défense. D'après les unes, pour mettre un terme au malheur des chrétiens, il fallait que Constantinople succombât. D'après les autres, quand les Turcs victorieux seraient parvenus jusqu'à la place du taureau, un ange descendrait du ciel, remettrait un glaive aux mains d'un homme du peuple assis au pied de la colonne de Constantin. Et alors celui-ci se lèverait, repousserait les conquérants jusque dans leur camp, jusqu'en Asie. Les bourgeois et la plèbe de Byzance n'avaient pas besoin de tant de raisons pour regarder faire leur vaillant empereur et leurs champions étrangers. L'argent manquait pour la défense, car les riches le cachaient. Le siège dura 53 jours, du 6 avril au 29 mai. Pendant tout ce temps, Dargassès resta en armes à la porte Saint-Romain, en face du sultan. Le 24 mai, le sultan lança des proclamations à son armée. L'assaut général serait donné du côté de la terre et du côté du port. Tout le butin appartiendrait aux combattants. Mohammed ne se réservait que les édifices et les maisons. À ceux qui monteraient les premiers au rempart, il promettait des fiefs militaires, même des gouvernements, à ceux qui reculeraient la hache du bourreau. Tout le camp fut illuminé. Les chics et les derviches se mêlaient aux soldats. On n'y entendait que des cris. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Au contraire, la ville assiégée restait plongée dans les ténèbres. De la foule pressée dans les églises s'élevaient des chants plaintifs, le kyrie eleison des agonisants. Le 28, l'armée des Ottomans se mit en ligne de bataille. Leur flotte acheva ses préparatifs. Dargassès fit en présence de toute la cour sa dernière communion. Le 29, au premier chant du coq, l'armée turque s'ébranla en 5 énormes colonnes. L'effort principal était dirigé sur la porte Saint-Romain. La poignée de braves qui la défendaient avec Dargassès, Justiniani, Demetrios Cantacuzène, Francesco de Tolède, fit d'abord refluer le torrent des assaillants. Mohammed II, placé en arrière de ses colonnes, ramenait au combat les hésitants, ou de sa lourde masse d'or assommait les fuyards. Pendant 2 heures, il ne put rien gagner. Sur le front de terre, les échelles étaient brisées. Sur les 2 fronts de mer, les vaisseaux turcs inondés de feu grégeois. Mais le génois, Giustiniani, reçut une grave blessure, dont il devait mourir quelques jours après, et se retira. Sa retraite jeta le découragement parmi les combattants de la porte Saint-Romain. Une fois encore, on précipita les janissaires du haut des remparts. Enfin, une autre porte, la Carcoporta, ayant été surprise, l'empereur fut assailli par derrière et par devant. « Il n'y aura donc pas un chrétien pour me donner la mort ? » s'écria-t-il. Il reçut presque en même temps un coup de sabre dans la face et un autre sur la nuque, et disparut sous le monceau des cadavres. À son tour, la porte Caligaria fut prise, et les masses d'Ottomans se ruèrent dans la ville, massacrant tout sur leur passage. Leur fureur tomba quand ils s'aperçurent du petit nombre des combattants. Ils commencèrent à piller des maisons, à enchaîner les captifs. Ils arrivaient maintenant de toutes parts, des murs maritimes aussi loin que des remparts continentaux. Refoulés des extrémités de la ville, les Grecs s'entassaient sur la place du Taureau, où devait se faire le miracle, puis dans Sainte-Sophie, où les Turcs firent irruption. Les vaincus se laissaient partout enchaîner, sans résistance, tendant eux-mêmes les mains aux menottes. Vers midi, Mohammed fit son entrée par la porte Saint-Romain. Il passa par l'hippodrome, où de sa masse d'armes il abattit une des têtes de dragon qui décorait le trophée de Platée. Il entra dans Sainte-Sophie et fut émerveillé de la haute et large coupole, des 107 colonnes de marbre blanc. Un pillard était occupé à desceller les dalles. Il le frappa de son cimeter et lui dit, Je vous ai donné le butin et les captifs, mais à moi les édifices. » Il ordonna au muezzin qui l'accompagnait d'appeler les croyantes à la prière. Lui-même monta sur l'autel et pria. C'est ainsi que la basilique de Justinien devint une mosquée. Pendant ce temps, les églises et les monastères étaient pillés, les autels profanés, les icônes détruites, la Vierge miraculeuse dont l'apparition sur les remparts avait jeté la panique dans l'armée de Mourad II, mise en pièces. Quand Mohammed, le lendemain, pénétra dans le palais impérial des Blachernes, la mélancolie des choses l'émut un instant, et ces vers d'un poète persan lui montèrent aux lèvres. Je cite. L'araignée s'établit comme gardienne dans le palais des empereurs et tire un rideau sur la porte. La chouette fait retentir de son cri lugubre les royales voûtes d'Efrésiab. Fin de citation. Pourtant, sa victoire ne lui adoucit pas le cœur. Il fit massacrer l'amiral Notaras et tous ses fils, beaucoup de nobles grecs, le beyle de Venise, le consul d'Espagne. Le légat du pape n'échappa au même sort que parce qu'il se perdit dans le troupeau des captifs. Organisation de la conquête. Mohammed avait dû payer ses soldats en abandonnant la ville au pillage. Il n'entendait pas qu'elle fût ruinée. Il voulait que, de métropole de l'orthodoxie, elle devint la capitale de l'islam, Istanbul. Mais il était étranger, comme la plupart des souverains turcs ou mongols, à toute idée de persécution religieuse. Assurément, Constantinople subit une cruelle transformation. La foi à l'islam ne va point sans quelque vandalisme. Les dernières statues épargnées par les croisés de 1204 furent détruites. Avec les déesses de marbre, on fit de la chaux. Avec les statues des glorieux empereurs, on fondit des canons. Avec les plaques de bronze, des obélisques et des arcs de triomphe, on frappa de la monnaie. L'hellénisme fut humilié dans son passé païen comme dans son passé chrétien. Combien de voyageurs, pendant des siècles, ont pleuré sur ces colonnes antiques qu'on sciait pour fournir des dalles aux bains turcs, qu'on débitait en pierres de taille ou en boulets. Sur l'emplacement de Saint-Apôtre, l'impériale nécropole, on bâtit la mosquée du conquérant. Que sont devenus les os des empereurs gardés de Dieu? Plus d'une fois, on a retrouvé des sarcophages royaux, transformés en auges pour les chevaux ou en pétrins. Les vieilles basiliques, les fameux monastères, Saint-Bacchus et Saint-Serge, Saint-Thècle, Saint-André, Saint-Théodore, Saint-Jean, le Rédempteur, le Pentépoptos, la Chora, le Myréléon, le Pantocrator, furent transformés en mosquées ou affectés à d'autres usages. Sainte Irène devint un arsenal. À Sainte Sophie, on couvrit d'un enduit de chaux les mosaïques d'or. Mohammed flanqua la célèbre basilique du premier de ses quatre minarets, le second est le Selim premier, les deux autres de Mourad III. Cependant, comme les églises chrétiennes n'étaient pas assez nombreuses pour fournir des mosquées au nouveau culte, Constantinople, sous les sultans turcs, vit se rouvrir l'air, depuis longtemps oublié, des grandes constructions, mosquées, hospices, écoles, palais. Mohammed II, en particulier, fut pour Constantinople comme un Justinien musulman. Quand le pillage eut cessé et que les soldats n'eurent plus le droit de faire des captifs, nombre d'habitants grecs ou italiens sortirent de leurs cachettes. D'autres se rachetèrent de l'esclavage et revinrent. Ils furent cantonnés dans les quartiers voisins des remparts, tandis que la nouvelle population turque occupait les hauteurs de la ville. Dans les quartiers voisins du phare Fanar, il se refit une Byzance fanariote à côté d'Istanbul ou Islamboul ottoman. Mohammed ne redoutait pas un fort élément européen dans la nouvelle capitale. Il y transporta non seulement des colons turcs ou turcomanes, mais la population des villes grecques, bulgares, serbes ou valaques, qu'il conduit ensuite. Le nombre des habitants ne tarda pas à atteindre et à dépasser celui d'avant la conquête. À cette masse de population non musulmane, Mohammed laissa ses chefs religieux, fit même d'eux des chefs politiques, armés d'un pouvoir presque absolu sur leurs ouailles, armés du bâton et du glaive, mais responsables sur leur tête du bon ordre. Les chrétiens arméniens, slaves, latins, obéirent à des prélats de leur rite. La plus importante de ces communautés était la grecque orthodoxe. À celle-là aussi on laissa son chef, le patriarche. 3 jours après l'assaut, comme le trône patriarcal était vacant, Mohammed ordonna qu'un nouveau patriarche fût élu et sacré suivant les formes accoutumées. Georges Scholarios, qui avait été du parti le plus fanatiquement hostile à l'union avec Rome, fut élu sous le nom de Gennadios, par ce qu'on put réunir de prêtres et de pieux laïcs. Le sultan lui donna un repas somptueux, et lui remettant la crosse, il lui dit « Sois patriarche, et que le ciel te protège. Use de mon amitié en toutes circonstances. Jouis de tous les droits et immunités dont ont joui tes prédécesseurs. » Il le reconduisit en pompe jusque dans la cour. Il fit monter sur un de ses plus beaux chevaux, escorté par les grands dignitaires ottomans. Avec quelques nonnes, dont beaucoup avaient subi les outrages des soldats, on refit un monastère à Saint-Jean-du-Trudon. On recueillit les reliques échappées au pillage ou rachetées. D'autres avaient été données par le sultan à une de ses femmes qui était chrétienne. Elle les restitua au sanctuaire. Le culte fut libre dans les églises abandonnées aux chrétiens. La fête de Pâques dans le quartier du Fanar continua à être célébrée avec la magnificence du culte oriental. Ainsi Mohammed laissait à ses sujets grecs une sorte d'empereur spirituel entouré de toutes les pompes de l'ancien palais sacré, dont la couronne conservait la forme et l'éclat de la couronne impériale, dont la crosse était un sceptre. À côté des couvents de derviches musulmans subsistèrent ceux des calogères orthodoxes. Les saintes républiques de Latos, tout en payant un lourd tribut, jouirent de l'immédiateté comme elles en avaient joui sous l'empereur Henri de Flandre. Beaucoup de ces moines se montrèrent dévoués à cet étrange protecteur de leur religion, témoin Critobule d'Imbros, qui écrivit une histoire très élogieuse de Mohammed II. Sous la domination turque, il subsista une république génoise de Galata. Au lendemain de sa victoire, Mohammed, se souvenant de l'attitude équivoque de ses Italiens, avait menacé de les faire tous décapiter. Sur le paiement d'une forte somme, il se radoucit. Il jura, par les 7 variantes du Coran, par les 124 000 prophètes de Dieu, par l'âme de son grand-père et celle de son père, par ses enfants et le sabre qui pendait à son flanc, de laisser aux habitants de Galata leur loi et leur franchise. Mais il fit raser les fortifications du côté de la terre. Il n'y eut de changé que ceci. Les Génois ne pouvaient plus être insolents envers le sultan Osmanli, comme ils le furent tant de fois à l'égard de l'empereur grec. Reprise des expéditions. Mohammed avait conquis les surnoms de Fatih, victorieux, et de Ghazi, vainqueur des infidèles. Le jeune sultan de 24 ans était maintenant hors de page. Il le fit bien voir au grand vizir Khalil, le tuteur imposé par son père. Avant de faire exécuter le mégaduc Notaras, il avait obtenu de lui la preuve que, pendant le siège, Khalil recevait de l'argent des Grecs. 3 semaines après la grande victoire, Khalil eut la tête tranchée. Conquête des pays serbes, Serbie, Bosnie, Herzégovine. Ce règne allait être pour maintes dynasties de l'Europe et de l'Asie comme le jour du jugement dernier. Bien que Brankovitch se fût montré fidèle vassal, Mohammed était résolu à le détrôner. Il lui fit écrire, je cite, « Le pays sur lequel tu règnes ne t'appartient pas, mais à Stefan Lazarevitch et par conséquent à moi. » Fin de citation. Brankovitch, effrayé, s'enfuit en Hongrie, implora le secours de Hunyad. Après une guerre mêlée de succès et de revers, le sultan, moyennant un tribut de 30 000 ducats, consentit à reconnaître Brankovitch, 1454, mais il revint l'année suivante, emporta Novoberta. En 1456, avec 150 000 guerriers et 300 canons, il assiégeait Belgrade. Le pape Calixte III fit prêcher la croisade par le franciscain Capistrano, envoya son légat, le cardinal Angelo, à Hunyad. Celui-ci mit sur pied 60 000 hommes, détruisit la flottille ottomane du Danube, jeta du secours dans Belgrade. Le 6 août, les Turcs furent mis en déroute, avec une perte de 24 000 hommes et de toute leur artillerie. Le sultan même reçut une blessure. Ce fut le dernier exploit de Hunyad. Presque en même temps mourut aussi le vieux Brankovitch, en 1456. De sanglantes querelles divisèrent ses héritiers. À la fin, ils se trouvèrent réduits à 2 femmes, sa bru Irène, veuve de son fils Lazare, et Mara, veuve du sultan Mourad II. Elle signait, à cause de cela, la pieuse tsarine Mara. Mohammed ne manqua pas à se poser en champion des droits de sa belle-mère. Ce qui favorisa ses desseins, ce furent les tendances catholiques d'Irène. Elle voulait marier sa fille à l'héritier de la Bosnie et offrait la servir au pape. Les boyards serbes, orthodoxes ou bogomil, préféraient la domination du sultan à celle du pontife romain. Ils aidèrent au succès des armées turques. C'est pour cela que les plus fortes places, Prisra, Semantria, etc., se rendirent si facilement. Ainsi la glorieuse Serbie devint une province turque et pour plus de 3 siècles disparut de l'histoire, 1459. La Bosnie fut conquise en 1464 et la famille royale exterminée. La Herzégovine succomba en 1467. Conquête des pays grecs, la Morée, Athènes. Dans le duché d'Athènes, l'anarchie se perpétuait. Nério II était mort, laissant un fils en bas âge, sous la tutelle de sa veuve. La duchesse s'enamoura de Pietro Almerio, gouverneur vénétien de Nopli, et lui promit de l'épouser s'il se débarrassait de sa femme. Almerio fit périr celle-ci, épousa la duchesse, devint maître d'Athènes. Les vassaux grecs et latins, plutôt que de subir le joug d'un étranger, dénoncèrent son crime au sultan. Celui-ci investit du duché Acciaioli, nommé Franco, qui jouait cette auprès de lui d'une faveur déshonorante. Franco donna tout de suite la mesure de sa moralité. Il fit périr en prison la duchesse, sa tante. À son tour, Almerio dénonça la Acciaioli. Mohammed, estimant que les Athéniens devaient être également dégoûtés des 2 prétendants, envoya Omar, fils de Turakan, occuper Athènes et mettre fin à l'existence de la dynastie Acciaioli, 1456. Plus tard, le duc Franco, un moment pourvu de Thèbes, fut étranglé. Mohammed II apparaissait dans la Hellade, parmi ses gouvernants insensés ou criminels, comme le juge invoqué par tous. Il arriva lui-même dans la Morée en mai 1458 pour dompter les archontes rebelles, les capitaines de bandes albanaises et donner une leçon de gouvernement aux incapables paléologues. Il enleva Tarsos aux Albanais et fit rompre les membres aux soldats de la garnison. Capturant les places, exterminant les populations, surtout albanaises, il continua par Mantinée et Tégée. L'évêque orthodoxe lui fit ouvrir les portes de cette place. Puis Corinthe capitula. Le chef de partisans albanais, Docias, fut scié vif. Après avoir mis leur sujet à la raison, Mohammed contraignit les deux paléologues à lui céder toute la partie nord de leurs états avec Patras, Corinthe, Calavrita. Il rendit visite à la ville d'Athènes et en admira les monuments. Quels remerciements, dit-il, ne doivent pas au fils de Dourakan la religion et l'empire. Comme les troubles continuaient en Morée, l'année suivante, il détrôna les deux paléologues. Démétrios fut établi en Thrace. Thomas s'enfuit à Rome auprès du pape. Avarino, Navarin, Arcadia, Monemvasia, nos plis de Malvoisie, devinrent des portes de l'Empire turc. Il ne restait plus en dehors de la Morée ottomane que Coron, Modon, Pylos, Argos, place vénitienne, 1460. Guerre en Albanie et dans le Nord. Dans l'Albanie du Nord, Skanderbeg continuait à braver les Ottomans. Un moment, il fut mis en péril par la trahison de son neveu, Hamza, qui amena 40 000 Turcs dans le pays. Il anéantit encore cette armée dans la plaine d'Alessio, sur le Drin. Puis, il accepta la paix que lui offrait le sultan, 1461. Il reprit les armes quand la guerre entre Venise et le sultan embrasa l'Albanie. Il bâtit Mohammed II sous les murs de Croia, 1465, et mourut à Alessio en janvier 1467 à 67 ans. L'Albanie retomba dans l'anarchie, disputée entre les chefs de clan, le sultan et Venise. La conquête des pays serbes, la dissolution de l'Albanie ouvrait aux armées turques les régions du nord. De 1470 à 1480, elles ravagèrent la Hongrie méridionale, la Croatie, la Sclavonie, la Carinthie, la Styrie, la Carniole, mais elles n'osèrent plus attaquer à Belgrade. Dans la région du bas Danube, Vlad le Valachi, Étienne de Moldavie retardèrent l'asservissement des pays roumains. C'est seulement en 1479 que les Turcs tentèrent sérieusement d'entamer la Transylvanie. Mohammed la fit envahir par 12 pachas et 40 000 hommes. L'armée hongroise et transylvane leur livra bataille le 13 octobre à Kengermürzöy, auprès de Karsburg. La grosse cavalerie hongroise détermina la victoire. Les Turcs perdirent 30 000 hommes, les chrétiens 8 000. Guerre contre Gênes, Venise, Naples. Les deux républiques italiennes qui avaient tant contribué à l'affaiblissement de l'Empire grec eurent à compter avec Mohammed. Non content de dépouiller les princes génois d'Enos, Thrace et les îles, il s'attaqua aux positions directes des Gênes. En 1461, il lui enleva Amastris, Amasra, sur la côte nord d'Anatolie. En 1475, Caffa en Crimée, Azov sur le Don, tous les comptoirs de la mer Noire. Il fit reconnaître sa suzeraineté par les Tatars de Crimée, leur donna pour camp Mengli Girei, eut là un avant-poste contre la Russie. La guerre contre les Vénitiens fut plus longue et entraîna de toutes autres complications. Elle dura de 1463 à 1479, s'étendit à tous les rivages et à toutes les îles de l'Orient, se compliqua de croisades prêchées par le pape, d'interventions par Skanderbeg, les princes napolitains, hongrois, transylvains, les émirs seldoukides et turcomans. En 1463, elle ravagea la Morée, où les Vénitiens perdirent, reprirent, reperdirent Argos. Ils furent refoulés dans leur place, 500 des leurs sciés en deux, l'insurrection hellénique cruellement réprimée. En 1467, l'île de Bé fut attaquée par terre et par mer. Egripos, sa forteresse, fut prise par trahison, le commandant Erisso scié, les soldats italiens écartelés ou empalés. L'année suivante, Venise et ses alliés, Sixte IV, les Napolitains, hospitaliers de Rhodes, portaient la guerre sur les côtes d'Asie mineure, prenaient Smyrne, donnaient la main à l'insurrection de Karamani. En 1477, l'eunuque Suleiman Pacha échouait au siège de Léplante, port vénitien d'Acarnanie. En Albanie, les Vénitiens de Croya ne succombèrent qu'en 1477. Ceux de Scutari résistèrent à deux sièges, 1474 et 1478. Mais Omar Beg envahissait le Frioul, enlevait le pont de Gorizia sur l'Isonzo, forçait le passage de Tagliamento, portait l'incendie dans les campagnes de Venise. En 1478, abandonné par ses alliés de Naples et de Hongrie, la République se résignait à traiter. 1479. Elle cédait Lemnos, les places qui lui restaient en Albanie. Elle payait 100 000 ducats de contributions de guerre et 110 000 de tribut annuel. En revanche, elle obtenait des franchises pour son commerce. Toutefois, Mohammed II, sous prétexte que Leonardo, seigneur des îles Ioniennes, n'avait pas été compris dans le traité, conquit Sainte-Maure et Zante. Puis il se tourna contre le royaume de Naples. En 1480, au 30 fut surpris, le commandant scié et 12 000 habitants capturés. Le sultan jurait de faire manger l'avoine à son cheval sur l'autel de Saint-Pierre de Rome. Conquête en Asie, Trébizonde, Karamani. Ce qui l'empêcha de poursuivre la conquête de l'Italie, c'est que les sultans avaient toujours à lutter en même temps en Asie et en Europe. Mohammed n'en avait pas fini avec les principautés seldjoukides. En outre, sur la côte nord de l'Anatolie, il subsistait encore un empire hellénique, celui de Trébizonde. En 1461, Sinope et la Paphlagonie furent conquises sur l'Ismaël Beg, un descendant de Bayezid de Perclus. David Comnène, le dernier empereur de Trébizonde, avait chance d'être secouru par son allié Usun Hassan, de la dynastie turcomane de Mouton Blanc, maître d'une partie de l'Arménie et de la Perse. Ce fut donc celui-ci que Mohammed prit d'abord à partie. Usun Hassan, effrayé de sa marche rapide sur Erzurum, demanda la paix, abandonnant son allié grec. Alors Mohammed II tourna brusquement dans la direction de Trébizonde. La ville fut cernée par terre et par mer. Après une courte résistance, David se soumit, 1461. Plus tard, 1470, il fut étranglé avec presque tous les siens. En 1463 mourut le prince de Karamani, Ibrahim, qui était déjà un tributaire du sultan. Ses sept fils se disputèrent son héritage. Mohammed intervint et, après trois campagnes, mit fin à l'existence de la dernière principauté, Seldjoukide, 1471. Usun Hassan, se sentant alors menacé, avait négocié avec Rhodes et Venise, demandé ce qui lui manquait surtout, des canons et d'autres armes à feu. Il reçut 200 artilleurs italiens. En 1472, il enleva Tokat, ville ottomane et la saccagea aussi cruellement qu'avaient fait les hordes de Timur. Mohammed arriva enfin pour combattre le Turcoman avec les lions des batailles et les bêtes féroces de la puissance. Le 26 juillet 1473, les deux armées barbares se rencontrèrent à Outluk Bali, près de Terjan. Persans et Turcomans furent écrasés. Ouzon lui-même n'échappa que par la fuite. Le sultan fit pendant plusieurs jours une boucherie de ses prisonniers. Cette bataille, en brisant le prestige du Mouton Blanc et les dernières résistances de la Karamanie, rendit Mohammed le maître absolu de l'Anatolie. Guerre dans les îles asiatiques, siège de Rhodes. Les flottes turques n'avaient cessé de piller ou de rançonner les îles de la mer Égée. Lesbos fut conquise en 1462 et son duc génois mis à mort. Lemnos, Imbros, Thasos, Samothrakie passèrent également sous le joug ottoman. Dès 1455, Mohammed avait sommé les chevaliers de Rhodes de payer tribut. Ils refusèrent, alléguant qu'ils relevaient du pape et qu'il leur était défendu de payer tribut, fût-ce à des princes chrétiens. Cependant, en 1479, ils signaient un traité de paix et de commerce avec le grand maître Pierre d'Aubusson. Mais le 23 mai 1480, le capitaine Mézy débarqua dans Rhodes et commença le siège. Le 28 juillet, il donna un assaut qui échoua et dut se rembarquer, ayant perdu en ces 2 mois de siège 9 000 morts et 15 000 blessés. Âprement désireux d'une revanche, le sultan résolut de la prendre en personne, mais au printemps de 1481, la mort le surprit. 2 mai 1481. Situation de l'Empire turc en 1481. Mohammed avait véritablement créé un empire turc, lui donnant sa capitale, Constantinople, et son code, le Kanun-Nami. Il avait achevé la conquête de l'Anatolie jusqu'au Haut-Euphrate et celle de la péninsule balkanique jusqu'au Danube. Il avait, par tant d'incursions au-delà de ses frontières, désigné les champs de bataille pour les règnes suivants, inquiété la Perse et l'Égypte, porté la terreur sur les confins de l'Autriche et de l'Italie. Sur 2 points son élan fut brisé. Ces 2 échecs furent Belgrade et Rhodes. Or, sans Belgrade, l'Empire ottoman était brité sur le Danube. Sans Rhodes, il était point maître de la mer Égée et ne pouvait se risquer sur la Méditerranée. Fin de la section 73. Lu par Sandra, près de Montréal, 2022. Dans l'ère du Kali Yuga.